Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre d'Italie Is Project, d'Angleterre Steven Wilson, des États-Unis Dave Kirshner, d'Angleterre Gentle Giant avec la deuxième partie des pièces remasterisées par Steven Wilson. On aura ensuite en fin de bloc, en fin d'émission, Unreal City d'Italie et de la ville de Québec, le groupe Shatters. Alors, comme à l'accoutumée, le premier bloc de l'émission est consacré à ce qu'on appelle l'album de la semaine. Et pour occuper un bloc entier, ben, la condition préalable, c'est que l'album, faut qu'il soit capable de remplir 24-25 minutes de bon rock progressif. Alors, cette semaine, nous avons une nouvelle formation italienne. Il s'agit d'un duo de jeunes chanteurs. Ivan Santovito, un chanteur de 26 ans, et Ilenia Salvemini, 24 ans. Tous deux chanteurs classiques de formation. Et ils sont sous la direction artistique de Fabio Zuffenti. Ils sont accompagnés du Z-Band. Z-Band, c'est le groupe qui joue principalement pour Osonaton. Certains membres aussi proviennent de la Machera d'Ischera. Et Z-Band, c'est un groupe qu'on a vu à Québec il y a 2 ans avec justement Osonaton. Alors, l'album de Is Project, en fait, le nom de ce groupe, de ce duo, c'est Is Project. Ils ont produit The Arkanauts, un nouvel album qui dure une cinquantaine de minutes. C'est constitué de 7 pièces. Alors, on va débuter avec Ouverture. Ça va être suivi avec The Architect. Et on va conclure avec Between the Light and the Stone. Alors, voici Is Project. of delight. Colors will choose laziness, ball by ball. Black pillars will be destroyed, brick by brick. New toes will be employed. bloody mages in this land of light. We are Archonauts. We must leave this ground. They stand in my screen between the light and the storm. C'était la formation italienne Is Project avec trois extraits de leur premier album The Arkenotes, et on a entendu Between the Light and the Stone, précédé par The Architect, et la pièce d'ouverture, ben, c'était Ouverture. Je rappelle que ce sont deux jeunes chanteurs italiens de 24 et 26 ans. En fait, ils chantent en anglais et ça fait beaucoup penser à IQ. C'est du prog italien, sous la direction de Fabio Zuventi et accompagné des musiciens du Z-Band. Après la pause, Steven Wilson et Dave Kirshner. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ce deuxième bloc de l'émission Rock de Neurones sera constitué de deux pièces. La première par Steven Wilson, et on aura la pièce-titre de l'album To The Bone. C'est son plus récent. C'est son cinquième ou sixième album studio depuis qu'il a laissé Porcupine Tree. Et cet album-là est très bien reçu, même s'il n'est pas étiqueté à 100% prog, on s'en fout un peu, je pense que la musique est très bonne. Et puis en Europe, s'il n'est pas numéro un, il est très près de la position de tête de plusieurs palmarès de plusieurs pays, dont l'Angleterre, bien entendu. Et on va tout de suite aller après avec Dave Kirshner, le claviériste de Sound of Contact, qui nous propose son deuxième album. Et on va entendre la pièce de résistance de cet album-là qui s'appelle « The Carnival of Modern Life ». Ça, c'est le titre de la pièce et l'album s'intitule « Static ». Alors, on débute avec Steven Wilson. Once we've made sense of our world, we want to go fuck up everybody else's because his or her truth doesn't match mine. But this is the problem. Truth is individual calculation, which means because we all have different perspectives, there isn't just one singular truth, is there? Don't you wanna see what's at the core? Truth is the icy clear stream we dream about, drinking from. But it will liquidate life, should they rewire. Down. Just ask my organ playing monkey. Drink that punch and follow me into the fun house. The fun white house.

Alors, c'était Dave Kirshner avec son plus récent album Static et la pièce The Carnival of Modern Life. Et ça a été précédé par Steven Wilson et la pièce titre de l'album To the Bone qui est paru il y a quelques mois. Alors, après la pause, Gentle Giant, façon remixée Steven Wilson. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission. C'est un bloc qui est consacré à Gentle Giant. Et c'est la deuxième partie, parce que la semaine dernière, on a entendu quelques extraits du nouvel ouvrage de Steven Wilson concernant Gentle Giant. On sait qu'après avoir remasterisé Octopus et The Power and the Glory, il voulait faire la même chose avec Gentle Giant, Acquiring the Taste et Three Friends. Mais il a été confronté avec un problème de taille, c'est que toutes les bandes originales n'étaient pas toutes intactes ou disponibles. Alors, il a fait un album double qui s'appelle Three-Piece Suite. Et ce sont quelques extraits des trois albums que j'ai cités auparavant. Et aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie qui est consacrée principalement à Three Friends. Alors voici Gentle Giant avec School Days, Peel the Paint, Mr. Class and Quality et Three Friends. School time, the happy time. from the start, left to depart, finding the pleasure and the pain in his art, lost in the hush. Thank you. Alors, c'était la version remasterisée de Three Friends avec Gentle Giant, bien entendu, et c'est remasterisé par Steven Wilson. Et avant Three Friends, ben, on avait Mr. Class and Quality, auparavant Peel the Paint, et en début de bloc, nous avions School Days. Alors, après la pause, Unreal City et Shutters de Québec. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission qui sera consacré à deux lancements de disques. En fait, dimanche dernier, le 8 octobre, j'étais à Québec au lancement du dernier album de Unreal City, Frammenti Notturni. On entendra deux pièces qui s'intitulent Il Nido delle Succubi et Arrivi all'Aurora. Et durant le même lancement, il y avait, en fait, c'était un lancement double parce qu'il y avait la formation de Québec Shatters. Shatters qui nous présentait leur deuxième album, Static Dreams, après leur premier album qui est paru en 2014, L'Abysse des Pensées. Alors, Shatters, ce sont cinq musiciens de la région de Québec. Ça a été initié à l'époque, en 2005, par à l'initiative de Martin Poirier, qui est le guitariste-chanteur. Il est accompagné à la basse de François Boivin, Stéphane Moisan à la batterie, Dave Dubé, qui est à la guitare et aux voix, et Mathieu Houd, piano et clavier. Durant ce lancement, ben, ils ont fait plusieurs pièces, soit du premier, soit du deuxième, et j'ai été particulièrement intéressé par la pièce de Mirror Ward, et ça dure 13 minutes 46 minutes. Et ceux qui auraient manqué la prestation de Shatters le 8 octobre, eh bien, ils se produisent à Québec, c'est-à-dire à Montréal, le 22 octobre, au Petit Campus. Alors, on débute ça avec Unreal City et on conclut avec Shatters. nascondo negli enigmi delle idee, nei disfatti letti altrui. Al mattino, nel fulgore dell'aurora, che vorremmo non finisse mai. Nelle code dei musei, poi stravolto ti risvegli in piena notte e non riesci a non aver paura. Dormi adesso, amore mio, la notte finirà, l'inverno passerà. Ne vedo il volto che la sera fiora dietro te. Del buio ideologie dentro i corpi vergini dei figli tuoi, in un nido a seppellire Dio. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe de Québec Shatters et la pièce de Mirror Ward. Ça, c'est extrait de leur plus récent album Static Dreams, qui est paru il y a une semaine. Alors, je vous invite à aller les rencontrer au Petit Campus la semaine prochaine. Vous pouvez toujours vérifier sur Internet la disponibilité des billets. Alors, ça a été précédé de Unreal City avec la pièce Rivi All Aurora et la début de bloc, nous avions encore une fois Unreal City et Il Nido delle Succubi. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 167e émission de Rock de Neurone. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de 13h à 15h, toujours sur les ondes de C'est fou. Le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Et en plus, sur cette page Facebook, vous allez pouvoir retracer certaines chroniques que j'ai rédigées, surtout sur des groupes de rock progressif italien. Et aussi, vous avez accès à plus de 90 émissions archivées qui sont sur archive.org. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.